Tenez, Venceslas, voilà ce que je vous apporte, dit-elle en plaçant son mouchoir sur un coin de l'établi. Puis elle tira de son cabas, avec précaution, les friandises et les fruits. Vous êtes bien bonne, mademoiselle, répondit le pauvre exilé d'une voix triste. Ça vous rafraîchira, mon pauvre enfant. Vous vous échauffez le sang à travailler ainsi. Vous n'étiez pas né pour un si rude métier. Venceslas Steinbock regarda la vieille fille d'un air étonné. Mangez donc, reprit-elle brusquement, au lieu de me contempler comme une de vos figures quand elles vous plaisent. En recevant cette espèce de gourmade en paroles, l'étonnement du jeune homme cessa, car il reconnut alors son mentor femelle, dont la tendresse le surprenait toujours, tant il avait l'habitude d'être rudoyé. Quoique Steinbock eût 29 ans, il paraissait, comme certains blonds, avoir 5 ou 6 ans de moins, et avoir cette jeunesse, dont la fraîcheur avait cédé sous les fatigues et les misères de l'exil, unie à cette figure sèche et dure, on aurait pensé que la nature s'était trompée en leur donnant leur sexe. Il se leva, s'alla jeter dans une vieille bergère Louis XV, couverte de velours d'Utrecht jaune, et parut vouloir s'y reposer. La vieille fille prit alors une prune de reine Claude et la présenta doucement à son ami. « Merci, dit-il en prenant le fruit.